Comment vous appelez-vous ? Orlando. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Orlando ? Ben donc, je suis ingénieur du son, et spécialement pour l'instant à Vivacité, à Bruxelles. Mmh. Et je m'occupe de la réalisation des émissions. Est-ce que vous pensez que dans les années 60, les gens appréhendaient le temps différemment que maintenant ? Je pense que plus on avance dans le temps, et plus le temps est pesant dans notre société, parce que y a la pression de tous côtés. Je pense qu'avant, le temps était plus dur physiquement. Maintenant, le temps devient plus une pression psychologique, où on doit tellement faire de choses en peu de temps que ça devient difficilement gérable. Je pense que c'est dans tous les métiers comme ça. En tout cas, moi ici, dans ma carrière, c'est ce que j'ai ressenti. C'est chaque année, c'est de plus en plus dur. De un, par la charge des choses, et de deux, parce qu'on vieillit et que le corps réagit différemment. Je n'étais pas là en 1960 pour dire qu'ils avaient sûrement d'autres pressions, mais nous, le temps devient pesant. Je le constate qu'une journée chargée dans la concentration est plus difficile à récupérer que dans le passé. Tout autre chose, est-ce que vous avez le temps de cuisiner le soir ? Je rentre assez tard et j'avoue que le soir, c'est léger. C'est repas léger. Et donc, vous prenez le temps de faire un repas à midi, par exemple ? Voilà, donc ici, j'ai la possibilité de manger chaud à midi, donc ça me suffit. Si vous aviez du temps en trop, comment est-ce que vous pourriez l'utiliser ? M'oxygéner. Donc, éviter de courir après le temps. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour décompresser. En dehors de votre métier d'ingénieur, est-ce que vous prenez le temps d'écouter de la musique ? J'avoue que de moins en moins, parce que je suis assez sollicité, point de vue son, dans mon métier. Et donc, j'essaie de me tourner vers autre chose quand je ne suis plus à mon poste. Oui. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, quand vous pouvez ? C'est plutôt de musique assez relaxante. Donc, j'évite des rythmes soutenus qui boostent, qui mettent dans une certaine tension, je dirais, Donc c'est vraiment pas relaxant pour le corps et l'esprit. Et généralement, j'aime bien tout ce qui est doux et calme et plaisant et planant. Un petit microfilm, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Le temps étant défini dans votre métier, avez-vous la liberté de prendre le temps pour vous ? Non. Non, l'antenne est l'antenne, les secondes sont les secondes, et il faut suivre, la machine tourne, et à la rigueur, quand j'ai, en dehors de l'antenne, dans le moment de préparation, si j'ai un petit blanc, je peux faire quelque chose, mais ça reste quand même assez restreint. Et sinon, une fois que la machine est lancée, vous serez peut-être plus là quand je vais démarrer l'émission, mais une fois que c'est lancé, les secondes tournent et il faut suivre. Donc même à un moment donné, on a un petit coup de barre ou un petit moment de mou, il faut y aller, il faut continuer. Donc c'est vraiment la concentration. Et qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre emploi du temps ? L'idéal serait d'équilibrer le temps d'antenne, donc le temps de stress et les moments plus calmes. Mais malheureusement, c'est pas décidable à notre niveau. J'entends donc que vous travaillez très vite dans votre emploi du temps. Est-ce que vous avez une recette pour gérer le stress induit par le temps et la pression du temps? La recette, serait de pouvoir prendre suffisamment de distance par rapport au stress. Mais je remarque que quand il y a une fatigue physique qui s'installe, c'est difficilement gérable. Et on tombe très vite dans le panneau, dans le piège du temps. Donc ça veut dire que vous ne parvenez pas à prendre le temps d'analyser ce que vous avez fait, une émission ou... Disons que le contenu de l'émission ne m'appartient pas. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas une charge d'analyse. Ça, c'est plus le journaliste ou l'animateur. Mais au moins, je peux avoir mon opinion sur ce qui s'est passé. Mais ma première priorité, c'est que les événements sonores soient bien faits, que tout soit bien enchaîné, qu'il n'y ait pas eu de blanc, que tout ce qui était prévu pour la diffusion soit passé, parce que j'ai des obligations, des impératifs, la publicité et d'autres choses, à un temps donné. Une fois que tout ça est passé, pour moi, c'est l'essentiel. Mais le contenu, ça ne m'appartient pas en premier. Donc vous avez l'obligation d'être le maillon fort de la chaîne, en fait? Non, on est une équipe. Hein. On collabore, il n'y a pas des gens plus importants que d'autres. Ça, c'est important dans le travail. On est une équipe. Chacun a son rôle. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui craquent dans cette nécessité de rester dans le stress continuel? Parce qu'il y a le moment du burn-out éventuellement, ou du... ça pète. Oui. Mais évidemment, le burn-out, c'est un sujet difficile, mais on ne sait jamais pourquoi on fait un burn-out en général. Il y a plusieurs choses qui s'enchaînent là-dedans. Mais ce que je constate, c'est qu'on ne peut pas tenir... C'est dur de tenir 20-30 ans derrière le temps. À un moment donné, on a besoin de pouvoir un peu avoir quelque chose qui s'adapte à l'humain. Parce que finalement, être dans un tel stress constamment, mais ça n'est pas adapté. Ben, c'est la même chose pour les pilotes d'avion, ça va, là c'est pire. Et les chirurgiens qui doivent rester concentrés pendant 5 heures à opérer, ça a encore un autre stress vital. Mais voilà. Vous jouez de la musique ? J'en ai fait. J'étais organiste, j'ai joué aussi dans des groupes de rock. Voilà, donc j'ai eu ma période de musicien. Je vous posais cette question parce que je vois que vous avez des mains d'artiste. Ah bon, merci, merci. Voilà. On vous remercie, merci. On va vous laisser... Mais voilà, mon animateur qui arrive, qui me rappelle à l'ordre.